comme il faisait bon, j'ai pris mon auto, une serviette et un maillot. Et je suis allé de suite tout de go vers les plages de Saint-Malo. Soleil tout en haut me brûlait la peau, tant il cognait dur, tant il faisait chaud. Comme j'étais si bien, j'avais les pieds dans l'eau. Au loin, je voyais passer les bateaux. Pam, pam, pam, pam, pam. Param, param, param, pam, pam, pam. Pam, pam, pam, pam, pam. Param, param, param, pam, pam. Comme il faisait bon, j'ai sorti mon piano. Je l'ai sorti de la maison. Je l'ai installé. Sur le rebord il y avait des pigeons. J'ai joué quelques notes, chanté quelques chansons. C'était si bien, c'était si bon. J'ai chanté un peu de tout, rien que pour les pigeons. Du Cabrel, du Brel, aussi du Souchon. Pam, pam. Chante à tue-tête.